L'image de la France à l'étranger. Comment l'étranger voit-il les Français? Comment juge-t-il ce peuple? Que représente pour lui la France? Quelle curiosité éprouve-t-il pour les gens et les choses de France? Dans la plupart des cas, l'image de la France apparaît comme un amalgame plus ou moins riche de souvenirs ou d'associations d'idées, de généralisations rapides. Il y a autant de stéréotypes de la France que de pays. L'époque aussi colore l'image de sa tonalité particulière. La France du siècle des Lumières avait, aux yeux de l'Europe, un visage différent de celui qu'elle a ou qu'on lui prête aujourd'hui. Nous nous limitons à l'image actuelle de la France. Tout de même, dans toute image étrangère de la France, il faut distinguer un fond permanent d'origine historique, de variantes assez stables, selon la catégorie sociale ou professionnelle du sujet, selon les générations, et des thèmes d'actualité qui changent parfois d'une année à l'autre. Les mœurs, la manière de vivre des Français ont toujours eu beaucoup d'attrait. La France, dès le XVIIe siècle, était le pays qui avait su élaborer un style de vie, une conception harmonieuse et élégante de l'existence où loisirs et plaisirs avaient leur juste part. De là, les migrations saisonnières des classes aisées vers les villes françaises de tourisme et vers Paris, le succès des conceptions françaises dans le monde, le mobilier, l'alimentation, les plaisirs de société. Beaucoup jugent les Français à travers une certaine littérature ou le cinéma et leur attribuent le privilège du libertinage et de l'immoralité. Et cependant, on aime le mode de vie très libre des Français. Si la vie politique en France intéresse davantage les étrangers, elle n'a plus d'importance le poids qu'elle a eu autrefois. Au XIXe, début du XXe siècle, la France, dans le domaine de l'action politique, apparaissait comme le pays de la Révolution. L'histoire de la Révolution française était connue et familière en Europe centrale comme au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud. La Marseillaise était et reste l'hymne des partis de gauche. Dans le domaine de la pensée politique et de son expression, la France avait produit de remarquables penseurs. Il était de règle, dans plusieurs pays étrangers, de préparer une carrière politique par des études à la faculté de droit de Paris. Aujourd'hui, l'accent révolutionnaire n'a plus son centre à Paris, les politiques français n'atteignent pas la notoriété de leurs prédécesseurs. La vie politique française reste cependant présente. Pour l'étranger, la vie culturelle française semble limitée aux arts, au théâtre, au cinéma, aux lettres. En revanche, la France ne compte guère dans l'ordre de la science ou de la technique. Telle nous apparaît la France, peut-être la personnalité la plus achevée parmi les nations. Contradiction vivante décevant l'esprit, messianisme et esprit de clocher, universalisme et provincialisme, modernisme et archaïsme, rationalisme intellectuel et mépris de tout comptable, tolérance sans bornes et polémique haineuse, conscience démocratique et structure absolutiste, immobilité et agitation perpétuelle, sens national le plus sourcilleux et mépris complet de l'État et de l'intérêt commun, traditionnalisme et impiété, ordre et anarchie, et comme charge de dynamite, un esprit formé au rationalisme qui ne saurait reconnaître que l'ordre géométrique déduit de principes rationnels et qui s'allie parfaitement l'individualisme radical pour nier tout ordre empirique, donc tout ordre historiquement possible, pour, en fin de compte, n'en faire qu'à sa tête. Où est le principe qui tient tout cela ensemble? Rien d'étonnant à ce que chaque observateur ait cru découvrir sa propre France. L'un, fuyant les feux d'artifice intellectuels, cherche et trouve l'autre France, celle de la province, archaïque, de mœurs sévères, économes et bigotes. Un autre y découvre, sous une apparente légèreté, le sérieux, la sévérité ascétique et presque la tristesse de ce pays dans sa langue dure et précise, claire comme le cristal, dans l'architecture dépouillée de ses villages et de ses monuments classiques, dans la discipline monastique de ses écoles et de son travail intellectuel, et même dans les visages étrangement adultes de ses enfants. L'autre rejette l'image trompeuse de sa littérature adultère et de perversion, de la comédie de boulevard et du gay Paris, usine à plaisir pour étrangers, et découvre en France le pays de la structure familiale la plus forte, la plus fermée du monde.